À l'occasion du 45e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet, l'Association d'amitié et de solidarité Congo-Démocratique Corée a publié une déclaration en faveur de la réunification nationale du peuple coréen. Elle a souligné que les trois principes pour la réunification de la patrie, indépendance, paix et grande union nationale, constituent un grand programme pour la réunification indépendante du pays divisé par les forces étrangères, par les propres forces de la nation, et programme de réunification proclamé dans le monde après l'accord intercoréen.